I wanted to share some very important message with the university students. Aujourd'hui, je désire partager un message très important avec les étudiants de l'université. Because I realize many times when students, young people join university. Parce que je réalise que bien souvent, les étudiants de l'université, they lose track. Ils perdent la trace. They lose track of very, very important targets. Ils perdent la trace d'objectifs très importants. Very important goals. De buts très importants. For which they come to university. Pour lesquels ils sont venus à l'université. And there has been a big outcry across the universities. Et ils ont été un grand tollé à travers l'université. Over the state of the quality of the life of the students. À travers l'état de la qualité de la vie des étudiants. The kind of life they live in universities. La sorte de vie qu'ils vivent à l'université. Now we hear today. Maintenant, nous entendons aujourd'hui. Of great immorality in the universities. À propos de grande immoralité à l'université. And I'm talking about universities world over. Et je parle des universités de partout. I'm talking about Egerton University. Je parle à propos de l'université d'Egerton. Talk about University of Nairobi. Je parle à propos de l'université de Nairobi. I am talking about Kenyatta University. Je parle à propos de l'université de Kenyatta. I'm talking about Massachusetts Institute of Technology, MIT. Je parle à propos de l'Institut de Technologie de Massachusetts, MIT. I'm talking about Technion, the Israel Institute of Technology. Je parle à propos de l'Institut de Technologie en Israël. I'm talking about Universitat Haifa in Israel. Je parle de l'Université de Haifa en Israël. I am talking about University of Central Oklahoma. Je parle de l'Université centrale de Oklahoma. Harvard University, Cornell. L'Université de Harvard et Cornell. I'm talking about Baraton, USIU. Je parle à propos de l'Université de Baraton. Université internationale des États-Unis. Moi University, Masinde Muliro Maseno. L'Université de Moi, Masinde Muliro Maseno. Toutes ces universités. Kabarak. All universities across the globe. Toutes les universités autour du globe. University of Seoul. L'université de Séoul. Many times now we have heard. Bien souvent maintenant nous avons entendu. Of the great immorality that has consumed our young people when they enter universities. La grande immoralité qui a épuisé nos jeunes gens quand ils entrent à l'université. And it's a very sad state of the affair. Et c'est un état très triste dans cette affaire. Because when they come to university, they normally come in as very innocent young people. Parce que quand ils viennent à l'université, ils arrivent comme des jeunes gens très innocents. That are simply seeking for guidance, direction, help. Qui simplement regardent pour une direction, pour de l'aide. Seeking for education. Cherchant de l'éducation. Seeking to mold and build their futures. Cherchant à modeler et à construire leur futur. But of late, what has happened is that. Mais ces jours, ce qui se passe. Many things, immorality. Beaucoup de choses, de l'immoralité. Devil worship. Adoration du diable. Homosexuality. Homosexualité. Pornography. Pornographie. Alcoholism. Alcoolisme. Drug addiction, rebellion, anger. Dépendance à la drogue, la rébellion, la colère. Mutiny. Mutinerie. Discord, disrespect, dishonor. Discorde, l'irrespect, le déshonneur. And so, this evil. Et encore, ce mal. This bucket of evil. Ce paquet de mal. Has established itself across universities. S'est établi à travers les universités. And the young people have gotten embroiled into it, engaged in this. Et les jeunes gens s'engagent là-dedans. And the manifestation of it is now the quality of their lives, even as you look at the young people in the university. Et la manifestation de cela est la qualité de leur vie quand vous voyez ces jeunes gens à l'université. You see that they go into devil worship. Vous voyez qu'ils commencent à adorer le diable. You see that abortion fetuses are thrown into the bathroom. Et vous voyez les avortements, des fœtus qui sont jetés dans les toilettes. They abort and they throw fetuses in the bathrooms, in the toilets. They try to flush the fetuses that cannot go through. Ils avortent et ils jettent le fœtus dans les toilettes et quand ils tirent l'eau, ça ne part pas. Where people shower, we wake up and find fetuses have been thrown there. Quand ils se réveillent et qu'ils prennent une douche, ils voient ces fœtus qui sont jetés dans les toilettes. That is not the manifestation of the decay that has engrossed. Ça, c'est la manifestation du déclin qui a cru. Our young people in society. Parmi les jeunes gens de la société. And I'm talking about even University of Singapore. I'm talking all across. Et je parle à propos de l'université de Singapour et des universités tout autour. University of Medicine and Dentistry of New Jersey. I'm talking about Rutgers. Les universités de médecine ou de dentiste. I'm talking about every single school you can think about in Kenya, here, abroad, wherever, in Germany. Je parle à propos de toutes les universités, de toutes les simples écoles ici au Kenya ou ailleurs en Allemagne. Université de Gießen. L'université de Gießen. Ben Gurion University of the Negev in Israel. L'université de Ben Gurion dans le Negev en Israël. All. Toutes. So you find now abortion. Alors vous trouvez maintenant des avortements. Are the manifestation of that decay I'm talking about. De la manifestation de ce déclin dont je parle. And you also find that many times now the young people. Et vous trouvez aussi que bien souvent les jeunes gens. You know, the HIV infection is now catching up with them. Vous savez, ils se font infecter par le SIDA. They come to school very innocent, pure. Ils viennent à l'école très innocents et purs. And unadulterated, undefiled. Ils ne sont pas frelatés, ils n'ont pas de souillure. Unadulterated. Ils ne sont pas frelatés. But within a short time, you know, now I am HIV positive, they say. Alors après un court temps, ils disent, maintenant nous avons le sida. Some of them, pregnancy. Quelques-unes d'entre elles, enceintes. I am now pregnant. I have to go home. Je suis maintenant enceinte. Je dois rentrer à la maison. Some of them smoking bang. Certains d'entre eux fument du hashish. Using cocaine. Ils utilisent la cocaïne. Some of them stabbing each other with knives in the bars where they are drinking. Certains d'entre eux se poignardent avec des couteaux dans les bars où ils boivent. All of a sudden, your son. Subitement, c'est votre fils. He is now arrested and being charged with murder. Qui est maintenant arrêté et qui est accusé de meurtre. And yet they came to study. Et pourtant, ils viennent pour étudier. They came to mold their lives. Ils viennent pour se former. The manifestation of that decay that I'm talking about. La manifestation de ce déclin dont je parle. The evil that the young people encounter. Le mal que les jeunes gens rencontrent. And entertain in the universities. Et entretiennent à l'université. Young innocent people. Des jeunes gens innocents. Coming to learn. Venant pour apprendre. To build their future. Pour construire leur futur. All of a sudden caught up in smoking bang, using cocaine. Subitement sont attrapés à fumer du hashish ou user de la cocaïne. And there are even guns in the university, illegal guns. Il y a même des fusils à l'université, des fusils illégaux. And then the dressing, you see now from the dressing of the girl. Et leur habillement, vous voyez maintenant les habillements des filles. And the boys, the sagging trousers. Et les garçons avec des pantalons relâchés. So these now become the manifestation of the cry. Et maintenant, ça devient la manifestation du cri. The fact that they are crying for help. Le fait qu'ils crient pour de l'aide. They are crying for direction. Ils crient pour une direction. These are the symptoms that all is not well. C'est le symptôme que tout n'est pas bien. And that's why I thought I would share a little bit on what kind of life ought you to live in university. C'est pourquoi je pense que je vais partager un petit peu sur quelle sorte de vie vous devez vivre à l'université. What kind of life? Quelle sorte de vie? Ought you to live as a young person, a young man, a young lady who is pursuing her studies in university? Que vous devez vivre en tant que jeune personne, jeune homme, jeune femme, dans la poursuite des études de l'université. And I'm talking about really women's university, I'm talking about Methodist, all the universities. Je parle à propos des universités de femmes, des méthodistes, toutes les universités. Mount Kenya. L'université du Mont Kenya. University of Chicago. L'université de Chicago. Illinois. Illinois. So what kind of life ought you to live? Alors, quelle sorte de vie devez-vous vivre? As a young man, a young woman pursuing your education in university. En tant que jeune homme, jeune fille, poursuivant vos études à l'université. You can imagine in my position here. Vous pouvez imaginer dans ma position ici. Ever since the Lord called me. Depuis que le Seigneur m'a appelé. How many highly learned people have approached me? Combien de gens qui ont hautement étudié m'ont approché? Have come to sit with me. Sont venus pour s'asseoir avec moi. And ask me, please, man of God, we are asking for help. Hommes de Dieu, et m'ont demandé, je vous demande de l'aide. And they may be judges, lawyers. Ils sont peut-être des juges, des hommes de loi. Doctors, what? They come, professors. Des docteurs, ils sont venus, des professeurs. They come and they ask me, man of God, we need your help. Et ils me demandent, homme de Dieu, nous avons besoin de votre aide. I need your help. They say, I need your help. Ils disent, j'ai besoin de votre aide. And when you ask, what is the problem? Et quand je demande, quel est le problème? Then they say, if you were to give me another chance. Et alors ils disent, si vous pouviez me donner une autre chance. Man of God. Homme de Dieu. I would have done it differently. Je voudrais l'avoir fait différemment. Then I ask, what is the problem? Et ensuite je demande, quel est le problème? Oh, you see, now I'm HIV positive. Alors ils disent, oh, maintenant j'ai le sida. If I were to be given another chance. Si je pouvais recommencer et avoir une autre chance. Right from school, I would have done it differently. Juste de l'école, je le ferais différemment. Oh, now I am in this situation. Alors, maintenant, je suis dans cette situation. Oh, now my marriage is broken. Et maintenant, mon mariage est brisé. Oh, now I keep losing my job. Et maintenant, j'ai perdu mon travail. So I want to focus on this, doing it differently. Et j'aimerais me concentrer sur le faire différemment. They always say, if you gave me another chance. Ils disent toujours, si vous me donniez une autre chance, I would have done it differently. Je désirerais l'avoir fait différemment. So what is this doing it differently? Et qu'est-ce que c'est le faire différemment? That we may now bring to our young people in the university. Pour que nous puissions maintenant apporter à nos jeunes gens à l'université. That they may now do it differently. Pour qu'ils puissent le faire maintenant différemment. And never run into this, you know, my blood is toxic, you know, I need to run to Africa, change blood. Et jamais courir avec ceci, disant, oh, vous savez, mon sang est toxique, j'ai besoin d'aller en Afrique du Sud pour changer mon sang. I need to do this, you know, I'm on ARV and all this. J'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de me soigner contre le sida et tout ceci. What is this doing it differently that they're always crying for things? Qu'est-ce que c'est le faire différemment quand ils sont toujours en train de pleurer pour des choses, disant, homme de Dieu, si on m'avait donné une chance dans ma jeunesse, je l'aurais fait différemment. That's what I want to focus on today. C'est là-dessus que j'aimerais me concentrer aujourd'hui. That those wise young men and women, pour que ces jeunes gens sages et femmes in the universities who are tuned in right now. À l'université qui entendent juste maintenant. That they may do it differently. Pour qu'ils puissent le faire différemment. That they may learn from the mistakes of this advanced generation. Qu'ils puissent apprendre des fautes de cette génération avancée. I want to give a common and simple life. J'aimerais donner un exemple d'une vie commune et simple. Because I've already described this other life. Parce que j'ai déjà décrit cette autre vie. Of drug addiction. De dépendance de la drogue. And all that. Et tout ça. Alcoholism. L'alcoolisme. You find that every single Friday. Vous trouvez que chaque vendredi. Most of the time, the young people in universities are preoccupied with where will I go to drink, where will we drink from today. La plupart du temps, les jeunes gens de l'université sont préoccupés de savoir où est-ce qu'ils vont aller boire. Where will we party from? Où est-ce qu'il y a une partie? And so Friday normally becomes a big day. Et alors, le vendredi normalement devient le grand jour. And the pressure is so enormous on almost all of them in the university community. Et la pression est si forte sur presque tous dans la communauté de l'université. You find that on Friday the pressure is so high. Vous trouvez que le vendredi la pression est si forte. Every girl is looking for where will I go drink and party. Toutes les filles sont en train de regarder où est-ce qu'elles pourraient aller pour pour boire et avoir une partie. Do I have a boy who will take me out, a man? Est-ce qu'il y aura un garçon qui va me prendre et me sortir? To drink some beer, drink some wine, drink some what? Pour boire de la bière, du vin ou quoi? Party, disco. Une partie, un disco. So Friday, every single young man is fighting, where will I go this Friday? Alors, le vendredi, chaque jeune homme est en train de lutter. Qu'est-ce que je vais faire ce vendredi? Where will we go to dance with girls or whatever? Où est-ce qu'on ira pour danser avec des filles ou quoi que ce soit? Friday has become a day when the university, now the young people, they team up, they group up. Le jour où maintenant les jeunes gens à l'université se groupent, se mettent ensemble. And they normally walk to pubs and drink themselves silly. Ils marchent normalement dans les pubs et boivent ensemble. They go to discos, you know. Ils vont dans les discos. And then they drink, they get involved in that revelry. Et ensuite ils boivent, ils sont impliqués dans des festivités. And that is now. Et c'est maintenant. Where decay, where the devil catches up with them. Où il y a le déclin, où le diable les attrape. But that life has been lived in university across the earth. Mais cette vie a été vécue dans les universités autour de la terre. And now, in this dispensation, we are seeing people coming and regretting that that is the life they lived. Et maintenant, dans cette dispensation où on voit des gens venir et regretter la vie qu'ils ont vécue, saying, "Man of God, if you gave me a chance, I would do it differently." Disant, homme de Dieu, si vous nous donniez une chance, on aurait vécu différemment. So I want to focus on this differently here. Alors j'aimerais me concentrer ce différent ici. What is this differently? Qu'est-ce que c'est le faire différemment? I want to look at a simple life in the university, a young man, a young woman. J'aimerais regarder à une vie simple à l'université, des jeunes gens et des jeunes filles. You know that from Monday to Friday. Vous savez que du lundi au vendredi, you are very busy engaged in lectures. Vous êtes très occupé et engagé à écouter les cours. You are attending lectures, making your notes. Vous assistez aux cours, vous prenez vos notes. And all this going on, one lecture theater after the other. Et tout va comme ça, un cours après l'autre. Monday to Friday. Du lundi au vendredi. And when Friday comes, et quand arrive le vendredi, this is what you ought to do, those of you who are wise. C'est ce que vous devez tous faire, vous qui êtes sages. Who want to do it differently. Qui désirez le faire différemment. That you may never come to me later on in life. Pour que vous n'ayez jamais besoin de venir à moi dans la vie. And say, man of God, if I were given a chance, I would have done it differently. Et me dire, homme de Dieu, si j'avais eu une chance, j'aurais voulu le faire différemment. This is what you ought to do. C'est ce que vous devez faire. If you want to do it differently, si vous voulez le faire différemment, those wise ones, blessed ones, ceux qui sont sages, ceux qui sont bénis, those that now the Lord chooses, ceux que maintenant le Seigneur a choisis, if you want to do it differently, make sure that on Friday, si vous voulez le faire différemment, assurez-vous que vendredi, when the pressure is too high, quand la pression est trop forte, when people are like walking out of campuses, everybody's heading somewhere. Quand les gens partent du campus, quand chacun va quelque part, vehicles are coming to pick people. Des véhicules viennent pour prendre des gens. Sugar daddies, name it, are coming to pick their girls, their women from university. Des hommes pas sérieux, nommez-les. Ils viennent pour prendre leurs filles, leurs femmes à l'université. Women are coming to pick their men, their boys from university. Des femmes viennent prendre leurs hommes, leurs garçons à l'université. Others are going in groups to pick matatus, the public transport to head to town to disco. D'autres partent en groupe pour prendre les transports publics, pour aller en ville, dans les discos, to bars, to drinking pubs, dans les bars, dans les pubs pour boire, to movies, au cinéma. This is how you ought to do it differently. Voilà comment vous devez le faire différemment. That for you as the young men in the hostels and the halls of residence. Alors pour vous, en tant que jeunes gens, dans les auberges, dans les salles de séjour, Friday is a critical day to catch up with yourself. Vendredi est un jour critique pour vous ressaisir. Don't buy into this concept of to run with them, to join the multitude. N'allez pas avec ce concept de vous joindre aux autres, de vous joindre à la multitude. To join immorality. De joindre l'immoralité. Friday ought to be a day when you need to wash your clothes. Vendredi doit être le jour où vous avez besoin de laver vos habits. Washing your clothes with your own hands. Lavez vos habits de vos propres mains. Washing them, washing your shirt. Les laver, lavez vos chemises. Your trousers. Vos pantalons. Your socks. Vos chaussettes. Washing, tidy, therefore tidying up. Laver et mettre en ordre. Because remember, everything about university is preparation for life in future. Parce que souvenez-vous, toute chose dans l'université, c'est pour vous préparer à la vie future. It's training. It's a training ground. C'est un entraînement. C'est une base d'entraînement. So even that preparing. Alors, dans cette préparation, washing your clothes, shirts, washing your trousers, lavant vos habits, vos chemises, lavant vos pantalons, washing your socks and so forth, en lavant vos chaussettes et les autres, you know, that also prepares you for becoming a responsible citizen of this country. Ça aussi, ça vous prépare à devenir un citoyen responsable de cette contrée. And you dry your shirts on Friday. Alors vous séchez vos chemises le vendredi. People are going, but don't worry about them. Let them go. Les gens s'en vont, mais ne vous en faites pas d'eux. Laissez-les aller. You wash your clothes. Vous lavez vos habits. And mop your hall of residence, your room. Et lavez votre salle de séjour, votre chambre. Make sure you mop your room. Soyez sûr de laver votre chambre. Take water and clean your room. Wash the kitchen area. Prenez de l'eau et lavez votre chambre. Lavez la cuisine. Dust up your television in your room, you know. Époussetez votre télévision dans votre chambre. Your radio. Votre radio. Wash your clothes. Let them be lined up in the line there, dripping and drying in that night. Lavez vos habits, étendez-les sur le cordeau et comme ça ils vont sécher pendant la nuit. And prepare a nice meal that Friday evening. Et préparez un repas agréable pour le vendredi soir. A young man in the university. Jeunes gens de l'université. Prepare yourself some little rice if you're cooking, you know. Préparez-vous un petit peu de riz, vous le cuisez, savez. Prepare yourself a little rice. Préparez-vous un petit riz. Little beans, chicken, whatever it is that you prepare in your room. Un peu de haricots, du poulet, quoi que ce soit que vous prépariez dans votre chambre. In the hall of residence. Dans la salle de séjour. So when others have gone out to drink. Alors quand les autres sont sortis pour boire. For you, you have already washed your clothes. Pour vous, vous avez déjà lavé vos habits. You have cleaned your room, it's very tidy. Vous avez lavé votre chambre, tout est en ordre. And now you are having a meal. Et maintenant, vous avez un repas. You are sitting in your room having a meal. Vous mangez dans votre chambre, vous avez un repas. You have showered very clean, you are very clean. Remember, the Lord requires cleanliness. Vous avez pris une douche, vous êtes propre. Souvenez-vous, le Seigneur requiert la propreté. You have showered, you are very clean. Vous avez pris votre douche, vous êtes très propre. Your clothes are now airing out there, they're dripping the trousers. Vos habits sont maintenant dehors en train de sécher. The shirts, the socks, everything. Les pantalons, les chemises, toutes choses. And your shoes, you polished them, you know? Et vous avez poli vos chaussures. And you're now eating a nice meal, the room is clean. Et maintenant, vous mangez un bon repas et votre chambre est propre. When it comes about 9 p.m. Quand 9h arrive, the whole campus is quiet. People have gone out. Tout le campus est tranquille. Les gens sont sortis. But for you, you are doing it differently. Mais vous, vous le faites différemment. That you may never cry later in life. Que vous n'aurez jamais à pleurer plus tard dans la vie. That if you were given a chance, que si on vous avait donné une chance, you would have done it differently. Vous l'aurez fait différemment. 9 p.m. Friday. 9h du soir le vendredi. Open your book. Ouvrez vos livres. Open your notes. Ouvrez vos notes. And begin revising the lectures of the week. Et commencez à reviser les cours de la semaine. The lectures that you went through that the lecturer gave you over the week. Les cours que vous avez eus pendant la semaine. That is the time to catch up. C'est le temps de vous ressaisir. That is the time to check your notes before the exams are announced. C'est le temps de revoir vos notes avant que les examens arrivent. Before the CAP. Avant les examens. The continuous assessment tests are announced. Les tests d'évaluation permanents sont annoncés. That is the time for you to go through the notes, to open a textbook. C'est le moment pour vous d'ouvrir vos notes, d'ouvrir un livre de texte and make references to what the lecturer was talking about. Et faire des références à propos de ce que l'enseignant a parlé. Many times, let's say, lecturer gives you some 5 points on a topic. Bien souvent, un enseignant vous donne 5 points sur un sujet. When he lists point number one. Quand il fait la liste, le point numéro 1. Point number 2. Le point numéro 2. Point number 3. Point numéro 3. And you're making notes and all that. Et que vous prenez des notes et tout ça. But when you are now reading on Friday evening. Mais quand vous êtes là en train de lire le vendredi soir. The campus is quiet. People have gone out. Le campus est tranquille. Les gens sont partis. That is the time you can refer to textbook. You still have time. C'est le temps où vous pouvez vous référer au livre de texte, vous avez encore du temps. And get point number 6, number up to 10. Et prendre le point numéro 6, le point numéro 7 jusqu'à 10. Look, now you have 10 points on that aspect of the course. Regardez, maintenant vous avez 10 points sur cet aspect du cours. The lecturer only gave you 5. L'enseignant vous en a donné seulement 5. And you have researched other books on this. Et vous avez fait des recherches dans d'autres livres sur ce sujet. And you have 10 points. Et vous avez 10 points. If an exam came, si un examen venait, the others will write 5 points. Les autres qui écrivent 5 points, for you, you write 10 points. Pour vous, vous écrivez 10 points. And then, at that point, you get 98%. Et là, vous recevez 98%. Friday is the day to catch up, familiarize yourself with your notes. Vendredi est le jour pour saisir, pour reviser, pour vous familiariser avec vos notes. To make short summaries at the side as you're reading your notes. Pour faire des courts résumés sur le côté là où vous avez écrit vos notes. 9 p.m. you've washed your shirt. À 9h du soir, vous avez lavé vos chemises. Your trousers. Vos pantalons. You've cleaned the room, the socks. You polished the shoes. You mopped your room. Vous avez nettoyé votre chambre, vos chaussettes, vous avez poli vos chaussures, lavé votre chambre. You dusted the kitchen area. Vous avez dépoussiéré les environs de la cuisine. The TV, you have already cleaned up, you know? La télévision, vous l'avez déjà nettoyée. And now you are reading Friday 9 p.m. You had your dinner. Et maintenant, vous êtes en train de lire. C'est 9 h du soir le vendredi. Vous avez déjà mangé. You are reading in your room. The rest are drinking in the bar. Vous lisez dans votre chambre. Le reste est en train de boire dans des bars. In the disco. Dans les discos. They're smoking pot out there. Ils fument du cannabis dehors. They're doing drugs. They're in immorality out there. Ils prennent de la drogue. Ils sont dans l'immoralité dehors. And yet you are reading. Et là, vous êtes en train de lire. 10 p.m., 1 hour. 10 p.m., you are tired. 10 h, voilà 1 h, et vous êtes fatigué. You can tune on your TV as a young man. Vous pouvez ouvrir votre télévision comme un jeune homme. You say, let me watch Discovery Channel today. Alors, regardons Discovery Channel aujourd'hui. Or let me listen to Jesus Lord Radio today. Ou laissez-moi écouter la radio Jésus est Seigneur. And so you watch a TV program about how aircraft are made. Alors vous regardez le programme de la télévision qui dit comment les avions sont faits. Huh? Watch a program how the first vehicle was discovered. Vous regardez les programmes qui disent comment les premiers véhicules sont découverts. Oh, how the first bike was invented. Ou comment la première bicyclette a été inventée. You know, you watch programs that sharpen you. Vous regardez des programmes qui vont vous affiler. You are spending quality time. You listen to Christian radio. Vous passez du temps de qualité, vous écoutez une radio chrétienne. And somebody preaching. Et quelqu'un est en train de prêcher. On Christian radio. Sur la radio chrétienne. So you see, you are doing it differently. Alors vous voyez, vous le faites différemment. Very differently. Très différemment. 11 p.m. you're tired, you fall asleep. À 11 h, vous êtes fatigué, vous vous endormez. Let's say before morning at about 3 o'clock. Disons, avant le matin, à peu près 3 h du matin, you hear them singing and shouting, coming back from discos. Vous les entendez chanter et faisant du bruit, revenant des discos. Coming back from immorality, the young men coming back from drinking drunk. Revenant de l'immoralité, des jeunes gens revenant ivres. You hear them fighting, some of them shouting, singing. Vous les entendez se bagarrer, certains d'entre eux chantant. And for you, you are sound asleep, you are resting. Mais pour vous, vous êtes dans un profond sommeil, vous vous reposez. When Saturday morning comes, quand samedi matin arrive, in university, in the hall of residence, à l'université, dans la salle de résidence, and I'm talking about University of Chicago. Et je parle à propos de l'Université de Chicago, University of Illinois in Chicago. L'Université d'Illinois à Chicago. I'm talking about Cornell. I'm talking about Harvard. Je parle à propos de Cornell, à propos de Harvard. I'm talking about University of Minnesota. Je parle à propos de l'Université du Minnesota. I'm talking about Egerton University, Moore University. Je parle à propos de l'Université d'Egerton, l'Université Moi. University of Nairobi. I'm talking about Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. L'Université de Nairobi. Je parle à propos de Jomo Kenyatta, l'Université de l'Agriculture et de la Technologie. Kenyatta University. L'Université de Kenyatta. Methodist. Les méthodistes. University of Tel Aviv. L'Université de Tel Aviv. L'Université de Jérusalem. All universities. Toutes les universités. You are resting. You have already washed your clothes. Vous vous reposez. Vous avez déjà lavé vos habits. They are all clean now. Ils sont tous propres maintenant. You have already mopped your house. Vous avez déjà lavé votre maison. You had a nice meal. Vous avez eu un repas agréable. You spent 1 good hour catching up with your notes, revising. Vous avez passé 1 h à relire vos notes, les réviser. Reading. Lisant. And now you are sound asleep waiting for Saturday. Et maintenant vous êtes profondément endormi attendant samedi. When Saturday comes. Quand le samedi arrive. Very early in the morning after your breakfast, your shower. Très tôt le matin après votre déjeuner, votre douche. Very early in the morning with your books. Très tôt le matin avec vos livres. With your very clean trousers. Vos habits très propres. Clean shirt. La chemise propre. You are heading to library before the library is open. Vous allez à la bibliothèque avant que la bibliothèque soit ouverte. You are standing at the door of the library. Vous êtes en train d'attendre à la porte de la librairie. Saturday morning. Ce samedi matin. Remember, Saturday is the day for you to catch up with reading. Souvenez-vous, le samedi, c'est le jour pour vous de vous ressaisir avec la lecture. In the library, to get some books and make references. À la librairie, de prendre quelques livres et de faire quelques références. And build up your lectures. Et de construire vos cours. Remember, the lecturers have limited time to cover their topic. Souvenez-vous, les enseignants ont un temps limité pour couvrir tout le cours. So they will always give you lectures in a hurry. Alors, ils vont toujours vous donner des sujets à lire dans leur empressement. And just give you points here and there. Et seulement vous donner des points ici et là. And it's up to you now because you have come to pursue wisdom. C'est à vous maintenant parce que vous êtes venu pour rechercher la sagesse. To pursue knowledge. Pour rechercher la connaissance. Pursue understanding at the university. Pour rechercher la compréhension à l'université. It is up to you now to go to library on Saturday and make cross references. C'est à vous maintenant d'aller à la bibliothèque et de aller à travers vos références. Open other journals. Ouvrir d'autres revues. Other books about the same topic. D'autres livres à propos du même sujet. And develop a deeper understanding of what the lecturer was talking about. Et développer une compréhension plus profonde à propos de ce que l'enseignant est en train de parler. The university academic staff expects you to be doing that. Le personnel académique de l'université s'attend à ce que vous fassiez cela. And so on Saturday, et alors, le samedi, while the rest went to drink, they are nothing hungover, they are puking and vomiting. Pendant que le reste est allé boire, ils sont rien, des gueules de bois, ils vomissent. One is vomiting all over the room. Il y en a un qui vomit tout autour de la chambre. The other one, you know, is hungover, massive, thunderous headache. Ils ont la gueule de bois, ils sont étourdis, ils ont mal à la tête. Everything is in chaos, you know. Toutes choses sont en désordre. They're asking, how did I get here? I was too drunk. Ils ne savent pas comment ils sont arrivés là. Ils étaient si ivres. Did you people carry me here? Est-ce que vous, les gens, vous les avez portés ici? I don't even know how I got to my room. Je ne sais même pas comment je suis arrivé dans ma chambre. That is their conversation. Ça, c'est leur conversation. For you, Saturday morning, as the library opens. Pour vous, le samedi matin, comme la bibliothèque est ouverte, you enter and you go one corner in the library there. Alors vous entrez et vous allez dans un coin de la librairie là. Put your desk in the corner and begin to revise your notes. Vous mettez votre bureau dans un coin et vous commencez à reviser vos notes. And you're reading your notes, you're making short summaries. Et vous lisez vos notes et vous faites un court résumé. Summarizing the notes. As a young man who has gone to university to do it differently. Résumez vos notes comme un jeune homme qui va à l'université pour le faire différemment. That you may never regret. Ce que vous n'allez jamais regretter. That I wish I would be given a chance again. Que je désire qu'on me donne encore une fois une chance. I would have done it differently. J'aimerais l'avoir fait différemment. Now I am telling you how to do it differently. Maintenant, je vous dis comment le faire différemment. Saturday morning, you are reading, you are borrowing books from the counter of the library. Samedi matin, vous êtes en train de lire des livres, vous empruntez des livres du comptoir de la bibliothèque. You're making notes, you're cross-referencing it, the lecturer gave 2 points. Vous prenez des notes. Vous cherchez des références si le professeur a dit 2 points. You have 5 points. You recite many books until you get 5 points. Vous avez 5 points. Recherchez plusieurs livres jusqu'à ce que vous ayez 5 points. If you get 5 points, you will get 10 points. S'il vous donne 5 points, vous recherchez et vous avez 10 points. Very much prepared, so that you are very sure. Très bien préparé, de sorte que vous soyez très sûr. That if that exam came and they asked that question. Que si cet examen vient et qu'on vous demande cette question, everybody else would give 5 points, but for you, you would give 10 points. Tous les autres vont donner 5 points, mais vous, vous allez être capable de donner 10 points. And you are sure that you'll be the lead student in that test, in that exam. Et vous êtes sûr de telle sorte que vous allez être le meilleur étudiant dans cet examen. Doing it differently. Le faisant différemment. In the university. À l'université. And about 1 p.m., 2 p.m. Saturday. Et à 1 ou 2 heures de l'après-midi, samedi. You are now tired. Vous êtes maintenant fatigué. You collect your books and you walk away from the library. Vous rassemblez vos livres et vous sortez de la bibliothèque. Well dressed, very clean young man. Bien habillé, un jeune homme très propre. Coming with books from library to your room. Allant avec ses livres de la bibliothèque jusqu'à votre chambre. When you get to the halls of residence, quand vous arrivez à la salle de résidence, you'll find them still meeting in groups. Vous allez les trouver encore rassemblés en groupe. They're talking, oh, what, how was that drink yesterday? Ils sont en train de parler comment était cette beuverie hier. Can you imagine I drank 10 beers yesterday? Est-ce que vous vous imaginez, j'ai bu 10 bières hier. Oh, but can you imagine I finished a bottle of vodka? Pouvez-vous imaginer que j'ai fini la bouteille de vodka? They will be talking a different story. Ils vont être en train de parler d'histoires différentes. They are gathering in their room. Ils se rassemblent dans leur chambre. They are playing some secular music. Ils font jouer des musiques mondaines. And they are remembering how the disco was. Et ils se souviennent comment était le disco. For you, you have already spent Friday night with quality. Pour vous, vous avez déjà passé le vendredi soir dans la qualité. You are prepared very well. Vous êtes très bien préparé. You have read your notes 1 full hour of quality reading. Vous avez lu vos notes, lisant pendant 1 heure de qualité. And on Saturday, you have 6-7 hours quality reading and preparing, going through your notes. Et le samedi, pendant 6 ou 7 heures, des lectures de qualité, se préparant, revisant vos notes. For them, they have not even read. Friday, they were drinking. Pour eux, ils ne lisent même pas. Vendredi, ils étaient en train de boire. Saturday, they're out. One is puking, looking for crest. Give me some crest. Give me some sprite. Le samedi, ils sont dehors. L'un d'eux vomit. Donne-moi du lemon bitter. Donne-moi du sprite. Give me a cold crest. Donne-moi lemon bitter froid. Some lemon, I'm vomiting, you know, I'm hungover. Donne-moi du citron. Tu sais, je vomis. J'ai la gueule de bois. For you, Saturday already by afternoon. Pour vous, samedi déjà, dans l'après-midi. Already you put in 7 hours of quality reading. Déjà, vous avez passé 7 heures de lecture de qualité. And summaries and revision of your notes. Et résumant et révisant vos notes. Familiarizing yourself with the notes. Vous familiarisant avec vos notes. Saturday you cook your meal, lunch. Le samedi, vous cuisez votre repas. Doing it differently. Le faisant différemment. You cook your lunch, what remained yesterday, you eat it, you take some nap. Vous cuisez votre repas, ce qui reste d'hier, et vous prenez une sieste. About 3 p.m., wake up, start ironing your clothes. À 3 heures à peu près, vous vous réveillez et vous repassez vos habits. Iron your clothes yourself. Vous repassez vos habits vous-même. It is time to instill discipline and responsibility. C'est le moment d'instaurer de la discipline et de la responsabilité. Personal discipline. De la discipline personnelle. To our young people. Dans nos jeunes gens. Iron, endeavor to iron your clothes yourself. Repassons, essayons de repasser vos habits vous-même. Iron the shirt. Repassons les chemises. And arrange all of them in the closet. Et les arrangeons toutes dans l'armoire. Iron the trousers. Repassons les pantalons. Prepare them, the shoes, the socks, everything is dry. Les préparons, les chaussures, les chaussettes, toutes choses sont sèches. Saturday afternoon. Samedi après-midi. And remember Saturday morning. Et souvenez-vous, samedi matin. Many times you'll see police officers in the campus. Souvent vous allez voir les officiers de police dans le campus. You see police detectives in the campus Saturday morning. Vous verrez des détectives de police dans le campus samedi matin. And you hear stories, oh, Some young men were drinking there yesterday. Et vous allez entendre des histoires où il y a quelques jeunes gens qui buvaient hier. And they fought and they stabbed each other with knives. Ils ont lutté et ils se sont poignardés l'un l'autre avec des couteaux. Police detectives are looking for who killed, who are they? They stabbed each other and they killed somebody there. Les détectives de police cherchent qui a tué. Qui sont ceux qui se sont poignardés les uns les autres et qui ont tué quelqu'un là? You will not be found in that. Vous n'allez pas être trouvé là-dedans. You hear police looking for some young men that were drinking in that pub. Vous allez entendre que la police cherche quelques jeunes hommes qui buvaient dans ce bar. They gang raped a woman. Ils se sont mis ensemble pour violer une femme. A woman was raped there. Une femme a été violée là. Who were the young men who were drinking in that bar? Où est ce jeune homme qui buvait dans ce bar? You who is doing it differently will not be found there. Vous qui êtes en train de faire ceci différemment, vous n'allez pas être trouvé là. Police will not be looking for you. La police ne va pas essayer de vous chercher. You'll hear the police say, what room number? Vous allez entendre la police dire quel est le numéro de chambre. You hear young men panicking, running. Vous allez entendre des jeunes gens paniquer, courir. Some drivers kept through the fence. Quelques-uns d'entre eux essayant de s'échapper à travers la clôture. Fear. De la peur. And for you, you were busy in the library reading. Et pour vous, vous étiez occupé à la bibliothèque en train de lire. They drank Friday night. Ils ont bu le vendredi soir. They fought there. Who stabbed who the knife? Ils se sont bagarrés là. Qui a poignardé qui avec un couteau? Which young men were fighting for which girl? Quel jeune homme était en train de lutter pour quelle fille? For you who have decided to do it differently. Pour vous qui avez décidé de le faire différemment. You will not be found there. Vous n'allez pas être trouvé là. Saturday evening when you have finished ironing your clothes. Samedi soir quand vous avez fini de repasser vos habits. Well dressed, you know. Bien habillé, vous savez. You walk to the supermarket. Vous allez au supermarché. To the shopping mall. Vous allez au centre commercial. To buy orange juice for the week. Pour acheter du jus d'orange pour la semaine. Some rice for the week if you cook for yourself. Du riz pour la semaine si vous cuisez pour vous-même. Remember your clothes are now clean and ironed, ready for the new week. Souvenez-vous. Vos habits sont propres, repassés et prêts pour la semaine. Remember that your room is well mopped. You clean, you washed it, everything, no dust. Souvenez-vous, votre chambre est bien lavée, propre, toute chose, il n'y a pas de poussière. Remember that you have revised your notes. Souvenez-vous que vous avez revu vos notes. On Friday evening and Saturday you have revised. Samedi soir et samedi, vous avez revisé. You have familiarized yourself with your notes. Vous vous familiarisez vous-même avec vos notes. You are reading very well. Vous lisez très bien. You want to pursue knowledge, wisdom. Vous êtes allé pour chercher de la connaissance, de la sagesse. Understanding. De la compréhension. And you are doing it right. Et vous le faites bien. Doing it differently from the rest. Le faisant différemment du reste. Saturday evening you're coming back with the shopping bags. Samedi soir vous revenez avec votre sac de commission. From the shopping center. Du centre commercial. Some of them are laughing, hungover. Quelques-uns d'entre eux guérissent leur gueule de bois. Some of them don't have money. They drank all their money. Quelques-uns n'ont plus d'argent, ils ont bu tout leur argent. Some of them are wondering, how will I get money for tonight? We need to go to a disco Saturday night. Quelques-uns se demandent, comment est-ce qu'on va avoir de l'argent pour ce soir? Nous avons besoin d'aller dans un disco samedi soir. Some of them are saying, look. Quelques-uns sont en train de dire, regarde. I'm going to lie to my father. I will send him a text message. Je vais mentir à mon père. Je vais lui faire un message. And my dad will send me some money. I'll lie to him. I'm sick. Et mon père va m'envoyer quelque argent. Je vais lui mentir, lui dire que je suis malade. For you, you will not be found in that lie. Pour vous, vous n'allez pas trouver dans ce mensonge. Saturday evening. Samedi soir. Precious young men and women. Précieux jeunes hommes et jeunes femmes. My sons and daughters in the universities. Mes fils et mes filles de l'université. Saturday evening. Samedi soir. You prepare a nice meal. Vous préparez un repas agréable. And then about 9 p.m. they are all going to discos again. Et à peu près à 9 heures du soir, quand ils vont tous encore au disco. For you, you open your notes in your room. Pour vous, vous ouvrez vos notes dans votre chambre. You're busy reading. Vous êtes occupé à lire. Revising your notes. À reviser vos notes. You're going through your notes. Vous allez à travers vos notes. You're making new references. Faisant des nouvelles références. You're covering your notes, anatomy, physiology, biochemistry. Vous couvrez vos notes, anatomie, physiologie, biochimique. Sociology, psychology, whatever it is. Sociologie, psychologie, quoi que ce soit. Education. Éducation. Law. La loi. Economics, finance, whatever it is you're studying. L'économie, la finance, quoi que ce soit que vous étudiez. IT. Information technologique. Computer and software analysis, whatever. Analyse de logiciel. You're busy reading Saturday evening again. Vous êtes occupé à lire le samedi soir encore. Remember, you've gone shopping, you brought your shopping for the week. Vous vous souvenez, vous avez été faire vos courses, vous avez fait les courses pour toute la semaine. The shirts and the trousers are well ironed in the closet. Les chemises et les pantalons sont bien repassés dans l'armoire. The shoes are well polished. Les chaussures sont bien polies. Socks are clean. Les chaussettes sont propres. The house, the room is clean. La maison, la chambre est propre. And Saturday evening late when you're tired after reading. Et samedi soir, tard, quand vous êtes fatigué de lire. And now you can watch 1 hour of a documentary, let's say, on how, you know, how plants breathe, Discovery Channel. Alors maintenant, vous pouvez écouter 1 heure de documentaire à propos de comment les plantes respirent sur le channel Découverte. How big ships are built. Comment les grands bateaux sont construits. Or how satellites navigate aircraft. Comment le satellite dirige les avions. Or you listen to a Christian radio. Ou alors vous écoutez une radio chrétienne. And listen to a preaching. Et écoutez une prédication. And then midnight also you are falling asleep, sound asleep. Et aussi à minuit, vous allez dormir d'un profond sommeil. Sunday morning. Dimanche matin. When they come back drunk and they're making noise, some are crying. Quand ils reviennent ivres et qu'ils font du bruit, certains pleurent. They fought on the way after they were drunk. Ils se battent sur leur chemin alors qu'ils ont bu. They have a different story. Ils ont une autre histoire. But for you, your story is very different. Mais pour vous, votre histoire est très différente. From there. De la leur. Sunday morning you wear your very clean jacket and tie. Dimanche matin, vous mettez votre veste très propre, votre cravate. And suit, if you have a suit, it's very clean suit, polished shoes. Et votre tailleur, si vous avez un tailleur, et des souliers bien polis. And you hold your Bible, and it's nice tie, you are heading to church. Et vous prenez votre Bible, et avec votre jolie cravate, vous allez à l'église. For them, they are still in hangover. Pour eux, ils ont encore la gueule de bois. Some of them are bleeding, they fought. Quelques-uns saignent, ils ont lutté, ils se sont battus. Some of the girls are saying, oh, I see I'm pregnant. Quelques filles disent, j'ai peur d'être enceinte. Some are saying, I see I'm infected. D'autres disent, j'ai peur d'être infectée. Because that guy I'm told had HIV. Parce que ce garçon, j'ai entendu qu'il avait le sida. Oh, that woman I'm told had HIV. Alors, cette femme, on m'a dit qu'elle avait le sida. They are now living in that fear and trembling. Maintenant, ils vivent avec cette peur et ils tremblent. But for you on Sunday morning, mais pour vous, le dimanche matin, polished shoes, nice suit, les souliers polis, un joli tailleur, a nice tie, you are in church very early in the church. Une jolie cravate, vous êtes à l'église très tôt à l'église. To the extent that at one point, au point que the pastor will even become interested in you. The pastor will ask you, young man, come here. Au point où le pasteur va même s'intéresser à vous, le pasteur va vous demander, jeune homme, viens là. Which country do you come from? Where do you come from? De quel endroit tu viens? D'où viens-tu? Then you say, oh, I come from Kenya. Alors vous dites, oh, je viens du Kenya. Oh, you come from Kenya. Ah, tu viens du Kenya? Wow, keep it up. You've been a very, very committed young man in this church. Alors, continue comme ça. Et un jeune homme très, très engagé dans l'église. And the pastor will ask you, do you want to serve in the church? Et le pasteur vous demandera, est-ce que tu veux servir dans l'église? He might even ask you, can you move for me that piano? Move it this side, we need to close the church. Il peut même vous demander, est-ce que tu peux m'aider à déplacer ce piano? Mets-le de ce côté. Nous avons besoin de fermer l'église. The service is over. Le service est fini. You'll see the pastor, in other words, trying to introduce this young person into service in the church. Vous allez voir le pasteur essayant même de introduire cette jeune personne dans le service de l'église. While the others, they drank yesterday. Pendant que les autres buvaient hier, they're still discussing hangover, who fought with who. Ils sont encore en train de parler gueule de bois, qui s'est battu avec qui, who might be pregnant, who might be infected. Qui peut être enceinte, qui peut être infectée. All that. Tout ça. But for you, you are now in church, and the pastor is now asking, do you want to serve? Mais pour vous, vous êtes à l'église, et le pasteur vous demande, est-ce que tu veux servir? I see you coming to church very early every Sunday. Je vous ai vu venir à l'église très tôt, chaque dimanche. Do you want to serve in the church? You say yes. Est-ce que tu désires servir dans l'église? Vous dites oui. Yes, sir, I want to serve. Oui, monsieur, je désire servir. Serve where? Servir en quoi? I want to be an usher at the door. I want to receive people at the door. J'aimerais être un huissier à la porte. J'aimerais recevoir les gens à la porte. So for you, you are doing it differently. Alors, pour vous, vous le faites différemment. When the others are running into trouble, quand les autres sont en train de courir dans le trouble, for you, you are not found there. Pour vous, vous n'êtes pas trouvé là. You are in church. Vous êtes à l'église. And so, when you are in church, et alors, quand vous êtes à l'église, all of a sudden the pastor is now put you at the door, you are receiving people in church every Sunday. Soudainement, le pasteur vous met à la porte et vous recevez les gens chaque dimanche. Your clean suit, you might even have just one suit. Vous avez un tailleur propre. Vous pouvez même avoir seulement un tailleur. Or just a clean jacket. Ou juste une veste propre. A nice shirt and a tie. Une jolie chemise et une cravate. And a different sort of clean shoes, polished. Et des pantalons différents. Des chaussures propres. Polly, you are now in church serving. Maintenant, vous êtes à l'église. And in church, they will be surprised. Et à l'église, ils vont être surpris. Maybe you are studying abroad in Singapore. Peut-être que vous étudiez abroad à Singapour. Maybe you are in Germany. Peut-être que vous êtes en Allemagne. Maybe you are in the US, Canada. Peut-être que vous êtes aux États-Unis, au Canada. In Spain, in Finland. En Espagne, en Finlande. Switzerland. En Suisse. And now in church you'll find one family. Et là, à l'église, vous allez trouver une famille. One mature couple coming to you and say, young man, how are you? Un couple mature qui vient à vous et qui vous dit, oh jeune homme, comment allez-vous? We want to invite you today to come to lunch with us. On aimerait t'inviter aujourd'hui pour venir pour prendre un repas avec nous. Sunday lunch in my home. Un repas du dimanche dans ma maison. Now look, you are not even lonely at all. Maintenant, regardez. Vous n'êtes même pas seul. A family now is inviting you to join them for Sunday lunch. Maintenant, une famille t'invite pour le repas du dimanche. And then in the evening they drop you back to your halls of residence. Et ensuite, le soir, ils vous ramènent à votre résidence. With a basket of fruit. Avec un panier de fruits. You know, they come now. Now all of a sudden you have a family there. Vous savez, ils viennent maintenant. Tout à coup, vous avez une famille là. Where the university is. Où est l'université? Now you have a family that's interested, that is fellowshipping with you. Maintenant vous avez une famille qui est intéressée. Ils ont une communion avec vous. And they ask you, how are you doing? Et ils vous demandent, comment est-ce que vous allez? How are your studies? Comment vont vos études? You are not even lonely because many young people. Vous n'êtes même pas seul parce que beaucoup de jeunes gens. Think that living a blessed life like this. Pense que vivre une vie bénie comme ceci. Doing it differently like this means being lonely. Une vie comme celle-ci signifie être seul. You're not lonely at all. Vous n'êtes pas seul du tout. In fact, en fait, they see you being driven in, being escorted, being accompanied in the evening. Ils vous voient revenir en voiture, être escorté, être accompagné le soir. And while the others, the police is looking for them. Yesterday they drank in the bar. Quand pour les autres, la police les recherche. Hier, ils buvaient dans des bars. And they stop. Et ils se poignardent. And sometimes you hear the stories. Et quelquefois, vous entendez des histoires. You read it in the newspapers in this land. Vous les lisez dans les journaux de ce pays. That a young university girl went to have a party. Que une jeune fille d'université est allée à une partie. A high profile party. Une partie de haut standard. And then they were drinking strong drinks. Et ensuite ils ont bu des boissons fortes. Her dead body was found on Waiyaki Way. Son corps mort a été retrouvé sur la route de Waiyaki. Her dead body was found where? Où est-ce que son corps a été retrouvé? We have read those things in this country. Nous avons lu ces choses dans cette contrée. You will not be found there. Vous n'allez pas être trouvé là. People stab each other with knives in a bus. Des gens qui se poignardent avec des couteaux dans le bus. You will not be found there. Vous n'allez pas être trouvé là. Why is it that you are not found there? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas être trouvé là? I'm reading from the book of Job, chapter 28. Je lis dans le livre de Job, chapitre 28. And in the book of Job 28, he says. Et dans le livre de Job 28, il dit. From verse 20. Depuis le verset 20. Job 28, verse 20, he says. Job 28, le verset 20 dit. Where then does wisdom come from? Où est-ce que, d'où vient donc cette sagesse? Where does understanding dwell? Où demeure cette compréhension? It is hidden from the eyes of every living thing. C'est caché des yeux de toute chose vivante. Concealed even from the birds in the air. Dissimulé même pour les oiseaux dans les airs. Which means even the birds that are flying up there cannot know where wisdom is found. Ça signifie que même les oiseaux qui sont dans l'air ne peuvent pas savoir où on trouve la sagesse. I'm talking about this wisdom that makes a young lady in the university. Je parle à propos de cette sagesse qui fait d'une jeune fille qui est à l'université. A young man in the university to do it differently. Un jeune homme qui est à l'université, de le faire différemment. That they may never regret later in life and say. Qu'ils ne regrettent jamais plus tard leur vie et qu'ils disent. If I were given a chance. Si on me donnait une chance. I would have done it differently. But then. J'aurais voulu le faire différemment. Et ensuite, c'est trop tard. That wisdom, he says in Job chapter 28, verse 20, he says. Cette sagesse dont il parle dans Job 28, verset 20. Where then does wisdom come from? Alors, d'où est-ce que cette sagesse vient? Where does understanding dwell? Où habite la compréhension? It is hidden from every living thing. C'est caché pour toutes les choses vivantes. Concealed even from the birds in the air. Caché même pour les oiseaux dans l'air. Destruction and death say. La destruction et la mort dit. Only a rumor of it has reached our ears. Seulement une rumeur de cela est venue à nos oreilles. God understands the way to it. Dieu comprend le chemin de cela. And he alone knows where it dwells. Et il est le seul à savoir où elle habite. For he views the ends of the earth. Parce qu'il voit la fin de la terre. And sees everything under the heaven. Et voit toute chose sous le ciel. When he established the force of the wind. Quand il a établi la force du vent. And measured out the waters. Et a mesuré les eaux. When he made a decree for the rain. Quand il a fait un décret pour la pluie. And a path for the thunderstorm. Et un chemin pour le tonnerre. Then he looked at wisdom and appraised it. Ensuite, il a regardé à la sagesse et il l'a évaluée. And confirmed it. Et l'a confirmée. And tested it. Elle a testé. And then he said unto man. Et ensuite, il dit à l'homme. Behold. Voici. The fear of the Lord. La crainte du Seigneur. That is wisdom. Ça, c'est la sagesse. And to shun evil. Et fuir le mal. Is understanding. C'est l'intelligence. So my precious sons and daughters in the universities across the earth. Alors, mes précieux fils et filles dans les universités à travers la terre. Now you can see for yourself. Maintenant, vous pouvez voir par vous-même that the reason that, you know, parents are in distress. Que la raison pour laquelle les parents sont dans la détresse. Oh, my son went to university. Oh, mon fils est allé à l'université. Then I'm told they fought, they stabbed each other with a knife. Et ensuite on me dit qu'ils se battent, ils se poignardent l'un l'autre avec des couteaux. He has been arrested by police. Ils sont arrêtés par la police. Now we have to go to court. Maintenant, nous devons aller au tribunal. All of a sudden, a young man who went to study, subitement, un jeune homme qui est allé pour étudier, has destroyed his life. He is facing a murder case. Il a détruit sa vie. Il est en face d'un cas de meurtre. Murder charge in court. Il est accusé de meurtre au tribunal. The parents are running up and down. Les parents courent de ci, de là. They are weeping. They are distressed. Ils pleurent. Ils sont dans la détresse. The entire village is shocked. Tout le village est en choc. The whole university community is shocked. Toute l'université, toute la communauté est dans le choc. Oh, my daughter went to study. Oh, ma fille est allée pour étudier. But she went for an abortion all of a sudden in university, and we are told she's admitted in the sick bay. Elle est sortie pour avorter subitement à l'université et on nous a dit qu'elle était admise dans la section des malades. Admitted into the hospital, we are running. Elle est admise à l'hôpital, nous y courons. We are running. My daughter is about to die. Nous y courons. Ma fille est près de mourir. She tried an abortion which went bad. Elle a essayé d'avorter et ça a mal tourné. My son, they came from drinking and some thugs met them and the thugs killed one. Ils sont rentrés de leur beuverie et quelques voyous les ont rencontrés et les voyous en ont tué un. Or they shot them on the road at night at 2 a.m. Ou ils les tuent sur la rue la nuit à 2 heures du matin. 3 a.m. they came from drinking. À 3 heures du matin, ils rentrent de leur beuverie. And for you, you will not be found there. Mais pour vous, vous n'allez pas être trouvés là. Your parents will not have that distress. Why? Vos parents n'auront pas cette détresse. Et pourquoi? Because you have chosen to do it with wisdom. Parce que vous avez choisi de le faire avec sagesse. Do it differently. De le faire différemment. And it says here, et il dit ici, even destruction and death. Même la destruction et la mort, if alcohol, si l'alcool destroys, détruit, if alcoholism in the university is destruction. Si l'alcoolisme dans l'université est destruction, alcoholism cannot find you. L'alcool ne peut pas vous trouver. Because it says destruction and death say only a rumor of wisdom has reached our ears. Parce qu'il dit la destruction et la mort disent seulement une rumeur de ceci est arrivée à nos oreilles. We don't even know where wisdom lives. Nous ne savons même pas où la sagesse vit. We wish we knew where it lives. Nous désirons savoir où elle vit. We would have called the people who are in wisdom and destroyed them. Nous aurions désiré attraper ces gens qui ont de la sagesse et les détruire. So destruction cannot even catch you. Alors, la destruction ne peut même pas vous attraper. If you are a young man, si vous êtes un jeune homme and a young woman, et une jeune fille walking and living in wisdom in the university, marchant et vivant avec la sagesse à l'université. The Bible declares here that destruction and death do not even know where wisdom lives. La Bible dit que la destruction et la mort ne savent même pas où la sagesse est. That means the people that embody wisdom. Ça signifie que les gens qui se revêtent de la sagesse, the people that walk in wisdom, les gens qui marchent dans la sagesse, the people, the young men and women that carry wisdom, les gens, les jeunes gens et les jeunes filles qui portent la sagesse, that live their lives with wisdom in the university. Qui vivent leur vie avec la sagesse à l'université. Destruction and death cannot even find them. La destruction et la mort ne peuvent même pas les trouver. That's why if a young lady, we read in the papers the other day in Kenya. C'est pourquoi, si une jeune femme, on a lu ça dans les journaux au Kenya, une jeune femme de l'université de Nairobi, elle est allée à une partie de haut niveau, au Westland ou où que ce soit. Nous avons lu dans les journaux que son corps a été trouvé, jeté à la rue, finalement. For you, you will not be found there. Pour vous, vous n'allez pas être trouvé là. That death and destruction cannot even get you because you are living in wisdom. Que la mort et la destruction ne vous trouveront même pas parce que vous êtes en train de vivre avec la sagesse. You are not there. Vous n'êtes pas là. If smoking bang, si fumer du hashish and using drugs in the university, et utiliser de la drogue à l'université is destruction and death unto a young man and a young woman, et de la destruction et de la mort parmi les jeunes gens et les jeunes filles, bang smoking, fumer du hashish. And drug use will not find you because, et prendre de la drogue ne vous trouveront pas parce que you have chosen to do it with wisdom. Parce que vous avez choisi de le faire avec sagesse. In other words, to live differently. En d'autres mots, de vivre différemment. Do it differently from the rest. Faites-le différemment du reste. If immorality is bringing HIV AIDS, si l'immoralité apporte le sida, infections and so forth, des infections et encore, and that is death, et ceci est de la mort, then that destruction and death of HIV AIDS, alors cette destruction et cette mort par le sida will not find you as a young man and woman, ne vous trouveront pas en tant que jeune femme et jeune gens. Because you have chosen to live in wisdom, to do it differently. Parce que vous avez choisi de vivre avec la sagesse, de le faire différemment. Alléluia. Alléluia. And when Monday comes, et quand lundi arrive, when Monday comes, for you are ready for your lecture, pour vous, vous êtes prêt avec vos cours, your brain is fresh, well rested, well nourished. Votre cerveau est frais, bien reposé, bien nourri. You ate good food. Vous avez mangé de la bonne nourriture. In your own hall of residence, your room. Par vous-même, dans votre résidence, dans votre chambre. The others are nothing, hungover. Les autres n'ont rien, juste la gueule de bois. Their shirts are dirty. Leurs chemises sont sales. Their trousers are dirty. Leurs pantalons sont sales. Their shoes are unpolished. Leurs chaussures ne sont pas polies. But for you, your shoes are polished. Mais pour vous, vos chaussures sont polies. Your clothes are clean. Vos habits sont propres. And you're sitting in the lecture theater. Et vous êtes assis dans la salle de cours. When the exams come, quand les examens viennent, you are scoring 98. The next person to you scores 62. Vos résultats sont 98, les autres ont seulement 62. And that's why many times you hear the professors and lecturers asking. Et c'est pourquoi bien des fois vous entendez l'enseignant demander, how is it possible, comment est-ce que c'est possible, that I lecture, I give this course to the entire class in the same way, que un cours que j'ai donné dans la même classe, de la même manière, and one person gets 98, et une personne reçoit 98, and the next to him or her gets 69. Et celui qui est près de lui ou près d'elle reçoit 69. 62, 69. Many times you hear the lecturer asking that. Bien souvent, on entend les enseignants demander ceci. How come I taught the same class? Comment est-ce que c'est possible? J'ai enseigné dans la même classe. And one person 98%. Pourquoi est-ce qu'une personne a 98% and the other one 59%? Et l'autre 69%? The rest are 59 and below. Les autres en 59 et encore plus bas. And when the exams come, et quand les examens viennent, they cut. When they announce the cut, the continuous assessment test. Quand ils annoncent les tests d'évaluation continue, for you, you will have gone through your notes three times, even four times. Pour vous, vous serez allé à travers vos notes trois fois ou quatre fois. And those who drink their lives in the university and partying and drugs and name it. Et ceux qui boivent toute leur vie à l'université et qui vont dans des parties et prennent de la drogue, nommez-les. That time they're panicking, looking for notes. En ce moment, ils s'affolent et ils regardent pour leurs notes. Oh, I missed this lecture. Oh, j'ai manqué ce cours. I missed this other lecture. J'ai manqué cet autre cours. Can you lend me your notes? Est-ce que tu vas me laisser tes notes? They're reading their notes for the first time. Ils lisent leurs notes pour la première fois. That's the time they're making notes. Ça, c'est le moment où ils prennent des notes. It is obvious that when the exams come, c'est évident que quand l'examen vient, you are going to score high, 90. Vous allez avoir un résultat très haut, comme 90. 89 ou 98. Parce que vous avez lu vos notes plusieurs fois, vous êtes bien préparé. Even at the church, même à l'église, the Lord has told us to prepare well. Le Seigneur nous a demandé de bien nous préparer. There is power in preparation. Il y a un pouvoir dans la préparation. And when the final exams graduation comes, you hear first class honors. Et quand les examens finaux arrivent, quand le diplôme arrive, vous entendez première classe, honoré. He has graduated with first class honors in law. Il a été diplômé en première classe et honoré par la loi. First class honors in what? First class honors, whatever the cost. Les honneurs de la première classe. En quoi? Les honneurs de la première classe pour quoi que ce soit. And the rest are languishing around. Et les autres languissent là autour. And when you go to the field, et quand vous allez sur le terrain, 3 years after graduation, you look at the young men. 3 ans après les diplômes, vous regardez le jeune homme and the young woman, et la jeune fille. She's well dressed, she's smart. Elle est bien habillée, elle est intelligente. She's rushing to the office. Elle se précipite au bureau. Very early in the morning, Monday morning. Très tôt le matin, le lundi matin. Another one is coming, say, hey, hey, Jen, how are you? Quelqu'un d'autre vient disant, hey, hey, comment vas-tu? She looks at her friend Catherine, whatever the name is. Elle regarde à son amie Catherine, quel que soit son nom. And Catherine looks as if she's from the bar, Sunday morning. Et Catherine a l'air de quelqu'un qui est dans le bar le samedi matin. But Jen, who lives her life differently in the university, she's well dressed. Mais Jeanne, qui vivait sa vie à l'université différemment, elle est bien habillée. In her suit, she's rushing with the briefcase, running to her office. Elle se précipite avec son attaché case, elle va à son bureau. Monday morning. Lundi matin. Our friend Catherine, he said, oh, how are you, Jen? It's fine. Son amie Catherine lui dit, oh, comment tu vas, Jeanne? Elle dit, je vais bien. So you got a job, a good job. Alors, tu as trouvé un travail, un bon travail? Oh yes, I'm an assistant director in this company. Oh oui, je suis une assistante du directeur dans cette compagnie. But how about you? Mais qu'en est-il de toi? Oh, me, I'm still looking for a job. Oh, moi, je suis encore en train de chercher un travail. In fact, I've just arrived by bus in the morning. En fait, j'arrive juste avec le bus le matin. Looking for another job in another town. Regardons pour un autre travail dans une autre ville. And I'm in between jobs. Et je suis là, entre deux postes. But this young man, mais ce jeune homme, young woman that did it differently, jeune femme qui a fait différemment, they scored their marks, their grades. Ils ont eu le travail qu'ils voulaient. Even when you follow them outside, you find that they are always successful. Même si vous les suivez dehors, vous trouvez toujours qu'ils sont, ils ont du succès. And when they're drinking the bars, et quand ils boivent dans des bars, they said, today I met James. Ils disent, aujourd'hui j'ai rencontré James. He is assistant director. I can't believe it, of a company. Il est directeur assistant. Je ne peux pas le croire dans une compagnie. And then they say, oh, but oh, one of that men used to be serious on campus. Alors ils disent, oh, mais cet homme était sérieux dans le campus. He used to read very hard. Il avait l'habitude de lire longtemps. Now look, the rest are drinking, for you are now successful. Maintenant, regarde, le reste boit. Pour toi, maintenant, tu as du succès. And if you want marriage, you marry in the church. Et si vous désirez vous mariez dans l'église. You will see such a young man. Vous allez voir quelques jeunes hommes. That even his marriage is going to be done righteously. Que même son mariage, il va le faire d'une manière juste. Son mariage pour cette femme va être fait d'une manière juste à l'église, pas dans un bar. Not in the discos. They don't look for husbands in discos. Pas dans les discos. Elle ne regarde pas dans les discos pour un mari. Others will be going to look for husbands in discos and nightclubs. D'autres vont dans les clubs de nuit ou dans les discos pour trouver un mari. But this young lady, she will be in church. Mais cette jeune femme, elle va être à l'église. The Lord will send her a man in the church. Le Seigneur va lui envoyer un homme à l'église. A God-fearing man that will not abuse her. Un homme qui craint Dieu, qui ne va pas abuser d'elle. This young man that did it differently with wisdom. Ce jeune homme qui le fait différemment, avec sagesse, he has already established his strength. Il a déjà établi ses avancées. That for me, I shall live in the fear of the Lord, wisdom. Que pour moi, je dois vivre dans la crainte du Seigneur, dans la sagesse. And if any woman wants to marry me, she must measure up to the stature of the wisdom of God, the fear of God that I have. Et si quelque femme veut m'épouser, elle doit se mesurer à la sagesse de Dieu et à la crainte de Dieu que j'ai. You can only attract people of your type. Vous pouvez seulement attirer les gens de votre sorte. And the Bible says very clearly, precious people. Et la Bible dit très clairement, précieux peuple, in the book of Matthew, dans l'évangile de Matthieu, Matthew chapter 7, verse 13, Matthieu chapitre 7, verset 13 and 14, it says, et 14, il dit, enter through the narrow gate. Entrez par la porte étroite. For wide is the gate. And broad is the road that leads to destruction. Car large est la porte et large est la route qui mène à la destruction. And many enter through it. Et beaucoup y entrent. But small is the gate. Mais étroite est la porte. And narrow is the road that leads to life, and only a few enter it. Et étroite est le chemin qui mène à la vie et peu y entrent. So when the multitudes were going Friday night, et quand la multitude est en train d'aller le vendredi soir for disco, dans les discos, everybody must go to disco. Tout le monde doit aller dans un disco. In campus, they're going to look for parties. Au campus, ils vivent là sur le campus et ils veulent aller dans des parties for alcohol, pour de l'alcool, for discos, for immorality, pour des discos, pour l'immoralité. La pornographie. They're going to the brothels of prostitutes. Ils vont dans des bordels avec des prostituées. Majority are walking that gate, the white gate. La majorité marche dans cette porte large. But for you who have chosen to be different in the universities. Mais pour vous qui avez choisi de le faire différemment à l'université, you will walk the narrow gate. Vous allez marcher par la porte étroite. You will be very few in the university Friday evening. Vous allez être très peu à l'université le vendredi soir. That's why the university will be quiet and peaceful. You can read. C'est pourquoi l'université va être calme et tranquille. Vous allez pouvoir lire. Because you are only few that are walking this road. Parce que vous êtes seulement peu à marcher dans ce chemin. There are only few that are reading up to midnight Friday night. Vous êtes seulement peu à lire jusqu'à minuit le vendredi soir. They are not in the discos, in the bars. Vous n'êtes pas dans les discos et dans les bars. In the nightclub. Dans les clubs de nuit. In the brothels. Dans les bordels. In the pornography joint. Dans les places où il y a de la pornographie. In the drug addiction corners. Dans les coins de toxicomanie. Very few. Peu. And he says, the road that leads to life, and only a few find it. Et il dit, le chemin qui mène à la vie, très peu le trouvent. And this is the same highway. Et c'est le même haut chemin. that you see in Isaiah chapter 35, verses 8 and 9. Que vous voyez dans Ésaïe chapitre 35, les versets 8 et 9. That there shall be a way, it shall be known as the way of holiness. Parce qu'il doit y avoir un chemin qui doit être connu comme le chemin de la sainteté. And it shall be only for those who walk in that way. Et il doit être seulement pour ceux qui marchent dans ce chemin. And he says, the devourer, the wild beast. Et il dit, les dévoreurs, les bêtes sauvages, you will not be found there. Ne seront pas trouvés là. If you choose to live your life, si vous choisissez de vivre votre vie, differently with wisdom in the universities. Différemment avec sagesse à l'université. If HIV/AIDS is a wild beast, si le sida est une bête sauvage that is killing our young people in the university, qui tue nos jeunes gens à l'université, it will not find you because you are walking the highway of holiness. Elles ne te trouveront pas parce que tu marches dans le haut chemin de la sainteté. Where the wild beasts, the devourers cannot be found. Où les bêtes sauvages et les dévoreurs ne peuvent pas être trouvés. You are walking the way that has been fortified by Jesus for the few. Vous êtes en train de marcher dans le chemin qui a été fortifié par Jésus pour le peu. Who chose wisdom, the fear of the Lord. Qui a choisi la sagesse, la crainte du Seigneur. Alléluia. Alléluia. If abortion is killing our young women in the university. Si l'avortement tue les jeunes filles à l'université, you would decide to do it differently with wisdom. Vous qui avez décidé de le faire différemment avec sagesse, you cannot be found there. Vous ne pouvez pas être trouvé là. Oh, she aborted in a clinic, a makeshift clinic in the dark street. Oh, elle a avorté dans une clinique de fortune, dans une rue sombre. A cheap clinic for abortion. Une clinique bon marché pour avorter. Now she has been infected in the uterus. What? Elle était infectée dans l'utérus. You will not be found there. Vous n'allez pas être trouvé là. Because for you, you are walking the narrow road, the narrow gate. Parce que vous, vous marchez dans le chemin étroit, par la porte étroite. The highway of holiness. Dans le haut chemin de la sainteté. Where the beasts, the devourers are not found. Où les bêtes et les dévoreurs ne sont pas trouvés. Fortified and shielded. Fortifiés et protégés. This highway is shielded by the Holy Spirit. Ce haut chemin est protégé par le Saint-Esprit. Death and destruction cannot find you there. La mort et la destruction ne peuvent pas vous trouver là. So today, alors aujourd'hui, whether you are in the University of Southern California, que vous soyez à l'université de Southern en Californie, whether you are in the UCLA, ou que vous soyez au UCLA, San Francisco, à San Francisco, whether you are in Caltech, California Institute of Technology, que vous soyez en Californie dans l'Institut de Technologie, whether you are in MIT, Massachusetts Institute of Technology, que vous soyez à l'Institut de Technologie de Massachusetts, or you are in Boston Medical School, ou à l'École médicale de Boston, Massachusetts General Hospital, à l'Hôpital Général de Massachusetts, wherever you are studying from, ou que ce soit que vous étudiez, or you are in Egerton, ou vous êtes à Egerton, you are in Moy. Au Moy. You are in Massinde Moliro. Où vous êtes à l'université de Massinde Moliro. You are in Kabarak. Ou l'université Kabarak. You are in Maseno. Ou à l'université de Maseno. You are in Great Lakes University. Ou à l'université des Grands Lacs. It does not matter wherever you are. Ça n'a pas d'importance où que vous soyez. University of Ben Gurion, University of Haifa. L'université de Ben Gurion ou l'université de Haïfa. University of Chicago. L'université de Chicago. Singapore. De Singapour. Seoul in South Korea. Séoul dans la Corée du Sud. Wherever you are today. Où que vous soyez aujourd'hui. This is the highway. Ça c'est le haut chemin. This is the way of life. Ça c'est le chemin de la vie. The lifestyle you ought to live. Le style de vie que vous devez vivre. In order to build your life. Afin de construire vos vies. into a productive citizenry. En une citoyenneté productive. Into a responsible young man. En un jeune homme responsable. And a future responsible citizen of your country. Et un futur citoyen de votre contrée responsable. And when Jesus comes, et quand Jésus vient, you'll still even enter the kingdom of God. Vous allez encore entrer dans le royaume de Dieu. Shalom. Shalom.